do bamba. Yalla na soufwa yaftia. Cher Amadou Bamba, yalla na soufwa yaftia. Cher Amadou Bamba, yalla nano yalla dasti sabarke. Cher Amadou Bamba, oh, pour nous fâter. Cher Amadou Bamba, oh, peu que nala. Il est que ça va bouiller, ça va bouillonner. Cher Amadou Bamba, yalla na soufwa yaftia. Cher Amadou Bamba, yalla na soufwa yaftia. Cher Amadou Bamba, yalla nanu yalla dasi sabarke. Cher Amadou Bamba, oh, pour nous fâter. Cher Amadou Bamba,